d'entrée. Je vois tout en vert, je rappe le couplet d'un trait. Ça ira, il faut juste que ça n'empire pas. Déjà vécu des purs cauchemars, ne pas revenir sur nos pas. Libre, à présent ça se précise. L'avenir est doux, comme des bises, fait comme la brise. Maintenant on pense en grand, aucune mauvaise emprise. On fait pas semblant, on pense en entreprise. Le cœur était pris, mais l'âme n'était pas prise. Pas le choix, la vie est son petit lot de surprises. Faut que je m'en sorte à tout prix. Un problème, une solution, simple équation, résolution. Bien que je te donne des leçons, ça ira si tu vaillitras, ça ira si tu dors pas, ça ira si tu trahis pas, ça ira si tu renonces pas, ça ira si tu ne fléchis pas, ça ira si tu ne lâches pas. Ah, ça ira, on s'en sortira, ça ira, de Panama, Cuba, ça ira, ça ira, sous sativa, qu'éclat les pulcras. Ceux qui veulent tes gras, je les vois tendre les bras. On verra qui tiendra, sans fictra, sans contrat, qui finira sa vie sous les gravats. Vers la studio Gambetta, aucune vendetta. Vers une suripa, on paiera sur un fil. Si vous êtes là, on ne s'arrêtera pas là. On pose des tracks sur le tas, des proses et des vrais constats. Face au cirque Zavata, viens par là. Chez nous c'est sérieux, le hip-hop est nerveux sans apparat. Très loin des haineux et discours vénéneux. La baraka peut aussi bien tomber pour de gros merdes. Débarrasse-toi de tout ce que tu peux, viendra l'attentat. Beretta dans la diction, la suite, la sanction. Eureka, j'ai la potion magique contre l'incantation. Maléfique, réaction, ma logique, prestation, authentique collaboration. Ah, ça ira, ça ira.